Plage 8. Méditation pour manifester ses objectifs. Grâce à la méditation qui va suivre, vous allez pouvoir rassembler et amplifier l'un de vos désirs avant de l'envoyer à l'univers. Puis, nous nettoierons ensemble avec Ho'oponopono les obstacles qui vous empêcheraient éventuellement de parvenir à sa manifestation. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez déjà effectué au moins 3 ou 4 nettoyages complets avec la troisième plage de cet enregistrement. Car au fil de nos pratiques, nos objectifs changent, puisqu'ils ne sont plus issus de nos mémoires et de notre mental, mais plutôt de notre moi supérieur. Aussi, prenez le temps de vous nettoyer avant de vous engager dans ce qui va suivre. Ensuite, je vous demanderai de traiter un seul désir à la fois, et d'attendre que la manifestation de celui-ci commence à apparaître dans votre vie avant de vous engager dans un second. Cela vous permettra de demeurer focalisé sur lui plutôt que de vous disperser dans une multitude de directions. Pour débuter, conservez la paix et le calme qui sont installés en vous grâce à la première plage. Respirez profondément en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Entrez au plus profond de votre être, visitez-le, et prenez conscience de l'harmonie qui règne en ce moment entre votre mental, votre subconscient, votre moi supérieur et le divin qui est en vous. Continuez. Plus vous respirez, et plus l'harmonie vous envahit. Calmement, laissez vos pensées s'orienter en direction de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous aimeriez voir se manifester dans votre existence, de votre désir du moment le plus cher. Voyez-le déjà réalisé. Ressentez les impressions qu'il provoque en vous, tous les changements positifs qu'il amène dans votre vie. Souriez, soyez heureux qu'il soit déjà manifesté. Éprouvez ce bonheur qui est désormais le vôtre. Vous frissonnez de joie. Chaque parcelle de votre être irradie de bonheur, chaque atome de votre corps et de votre esprit sont envahis par cette euphorie. Elle scintille en vous comme des diamants à la lumière du soleil. Profitez encore un instant de tout ce bien-être qui est le vôtre, en sachant que votre désir le plus cher est déjà réalisé. Maintenant, nous allons accélérer le taux vibratoire de votre vision. Plus il sera élevé, plus vous lui donnerez vie, et meilleurs seront les résultats, car vous attirerez à vous tout ce qui correspond à ces hautes fréquences. Pour ce faire, je vous demande de visualiser la manette des gaz d'un avion à côté de votre main droite. Elle est au plus bas niveau, et le curseur indique zéro. Dans un instant, vous allez la pousser d'un cran vers l'avant, et faire vrombir ce moteur qui accélérera les vibrations de votre désir. Attention, poussez. Ressentez comme toutes les particules de votre désir éparpillées en vous se mettent à accélérer, à scintiller encore plus. Elles irradient dans tout votre corps et votre esprit. Mais nous pouvons faire encore mieux, et nous allons maintenant augmenter un peu plus leur fréquence vibratoire en poussant la manette des gaz au niveau 2. Êtes-vous prêt ? pousser. Les particules de votre désir accélèrent encore plus. Votre corps tout entier vibre avec elles. Vous ressentez chaque molécule de votre être et de votre objectif fusionner. Une fraîcheur intense vous envahit, un vent de bien-être et de légèreté vous parcourt. Vous vous sentez revigoré et rempli d'énergie. Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. En augmentant votre taux vibratoire encore une fois, nous allons monter le curseur de la manette des gaz au niveau 3 jusqu'à la vitesse maximale. Attention, maintenant! Voilà, vous y êtes. Jamais votre fréquence n'a été aussi haute. Vous êtes gorgé d'énergie et la vision de votre objectif vibre au même rythme que chaque molécule de votre corps. Elle est inarrêtable et elle scintille en vous avec force et vitalité. Elle habite chaque parcelle de votre être et elle irradie tous les atomes de votre corps. Vous la ressentez vivre en vous. Maintenant, nous allons l'envoyer en direction de l'univers, comme un ordre que vous lui passez, afin que votre souhait se manifeste dans les meilleures conditions qui soient. Rassemblez toutes ces particules qui vibrent en vous, au niveau de votre plexus solaire, et qui sont composées de votre souhait dont nous avons augmenté la fréquence. Concentrez-les en un seul point, comme une boule d'énergie intense et dense. Sentez-la se former, grandir et picoter dans votre poitrine. Elle ne demande qu'à sortir. Pour cela, vous allez dans un instant prendre une très forte inspiration et vous expédierez votre visualisation en direction de l'univers en même temps que vous expirerez l'air par la bouche en faisant un A soufflé, c'est-à-dire sans vos cordes vocales. Comme ceci. Attention, ça va être à vous. Inspirez par le nez tout l'air que vous pouvez. Levez votre tête en direction du ciel, visualisez votre vision énergisée au niveau de votre plexus solaire. Et maintenant, expédiez tout par la bouche. Voilà, vous venez de passer un ordre à l'univers pour que votre vision se réalise dans les meilleures conditions. Mais le dernier obstacle à sa manifestation réside en vous, puisqu'il s'agit de vos mémoires. Aussi, nous allons les nettoyer maintenant avec Ho'oponopono. Aussi, nous allons dire ensemble, avec force et énergie, avec l'aide du divin qui est en moi, avec l'aide du divin qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui me séparent de mes objectifs de vie. Toutes les mémoires qui me séparent de mes objectifs de vie, des plus récentes aux plus anciennes. Des plus récentes aux plus anciennes. À présent, faisons ce nettoyage ensemble. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Maintenant, vous êtes libéré d'un grand nombre de mémoires pouvant faire obstacle à la manifestation de ce désir. N'hésitez pas à refaire cette méditation pour ce même objectif une ou plusieurs fois. Mais surtout, lâchez prise et soyez confiant. Toutefois, cela ne doit pas vous empêcher d'agir afin de créer ce qui vous tient à cœur. Car rien ne se fera tout seul, et vous devrez inéluctablement poser les pierres de votre future construction une à une. Soyez également prêt à affiner vos objectifs, qui pourraient se modifier en cours de route. Car l'effacement de certaines mémoires pourrait vous montrer la vie différemment et changer vos choix, puisqu'ils ne seront plus dictés par votre mental, mais par votre moi supérieur. Vous pouvez dès à présent revenir tranquillement ici et maintenant, en ouvrant les yeux progressivement et en reprenant une respiration plus régulière. Ou bien, poursuivre vos nettoyages avec d'autres plages de cet enregistrement. Auquel cas, gardez les yeux fermés et conservez le calme qui est en vous.